بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم الولاء والبراء لعلي وصل ديزافو للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. تخرج كومونتي بار ابو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. بارتي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن البراء بن عازب قال: أوثق براء الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، الحب في الله والبغض فيه. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبعد لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا أخرجه أبو داود، والحديث صحيح. وكذلك عن عمرو بن عاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. والحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي في الذل ربحي، وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري. وقال في نفس الحديث: ومن تشبه بكوم فهو منهم. فأخرجه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجدا حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، طيب، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا قال في نفس الحديث: أن يكره المرء أن يعود في الكفر بعد أن كفر الله منه، كما يكره أن يرمى في النار. هذا المعنى، والحديث عن البخاري. فكل هذه الأحاديث جاءت للدلالة على أمر مهم جدا، وهو ما يسمى بالولاء والبراء في الإسلام. فهذا الأمر يبنى عليه دين الإنسان وصلافيته كذلك واستقامته بهذين الأمرين: الولاء والبراء. هذا وموضوع هذا الكتيب الذي سنقرأه من الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. نعم. فكما نادي pour commencer par des hadith parmi eux celui qui était rapporté par le Bara ibn Azib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la lance la plus ferme, voyez, lance la plus ferme de la foi, c'est l'amour en Allah et la haine en Allah. Et ce hadith était rapporté par Ibn Abi Shayba. Également, comme hadith cité, nous avions dit, selon Umama al-Bahili radiallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah, et qui donne pour Allah et qui prive et retient pour Allah, celui a vu sa foi se compléter. Voyez, a vu sa foi quand il s'takmala iman. Et lui, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Et selon Amr ibn al-As, il dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ouvertement, un ijahran, ghayl sirrin, ouvertement, voyez, ouvertement, dans le sens, dire que certes, les gens de, on va dire, de telle famille, de la famille de mon père, c'est-à-dire un tel, ne sont pas mes alliés. Vous voyez, ne sont pas mes alliés. Mon allié, c'est juste Allah et les croyants pieux. Croyants pieux. Vous voyez, le hadith est muttafaqun alayhi. Et c'est l'homme de Omar, radiallahu anhuma, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que j'étais envoyé avec l'épée. D'accord ? Avec l'épée. Jusqu'à ce que Allah soit adoré seul, sans associé. Et que mon risque se trouve sous l'ombre, du moins sous ma lance. Gagné par le jihad, le but en guerre. Vous voyez ? Et il dit également que l'humiliation et le rabaissement sera affligé à celui qui aura ce qui sera opposé à mon ordre. Voilà, celui qui ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera rabaissé et avili. Et qu'il s'agisse des koufars en priorité et même du musulman qui ne suit pas la sunna, tu verras que son hal il est petit. Comme chez les salafs, comme disait Abdullah ibn Mubarak, que les asagir, les petits, c'est les gens de la bid'a. Voyez, les gens de la bid'a. Également par les hadiths cités, celui de Anas ibn Malik, où il dit que trois choses, celui qui les a trouvées, aura trouvé, on va dire, la saveur de la foi, la douceur de la foi. Que la personne n'aime, s'il n'aime, il n'aime que pour Allah. D'ailleurs, que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que quiconque. D'ailleurs, soient plus aimés auprès de lui que quiconque. Son amour prédomine pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et également qu'il déteste retourner dans le couf, après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté au feu. Et le hadith, rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc ces deux choses qui sont al-wala ou al-bara, ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu. Al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, sont deux points en religion, sur lesquels on peut rentrer en islam ou en sortir. Rentrer dans la salafie et la sunna, ou en sortir. Rentrer dans le stikama, ou en sortir. L'islam, kayfa hadha, l'an al-islam, wa al-istislam, wa lillahi bil-tawhid, wa al-qiyadulahu bil-ta'ah, wa al-bara'atu min al-shirk wa ahli. C'est le fait de se soumettre complètement à Allah, par le tawhid, de se laisser mener par lui, par son obéissance. Et le désaveu du shirk de ces gens. D'accord ? Le désaveu du shirk de ces gens. Sans compter les preuves précédemment citées, et celles qui vont suivre dans la muqaddima de Shir al-Fawzan, rahimahullah ta'ala. Qui montre bien que cette alliance, ce désaveu, dessus se base ta religion. Également, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Lorsqu'un homme est venu le voir, il lui dit, ya Rasulallah mata sa'a. Tu vois, il lui a dit, que lui as-tu préparé? Qu'as-tu préparé pour cette heure? Il ne dit pas grand chose, hormis, que j'aime Allah et son messager dans le sens. Il dit, tu seras avec les gens que tu aimes. C'est-à-dire, même si tu n'as pas œuvré beaucoup, ton amour fera que tu seras avec les gens que tu as aimés. Allez, ton amour fera que tu seras mêlé aux gens que tu as aimés. Donc de là, une personne qui aime les gens de la droiture sera avec eux. Comptez comme parmi des leurs. Même s'il agit moins qu'eux. Même s'il est de moins de science, ce genre de choses, son amour pour eux montre qu'il les préfère et qu'il est avec eux. Vous voyez ? Également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'a dit, « Al-mar'u ala dini khalili » que l'homme est sur la religion de son ami. Donc, et comme les on dit, regarde, je regarde avec qui tu marches, je saurai qui tu es. Même chez les koufars, c'est une image qui est connue. Tes fréquentations démontrent qui tu es. D'accord ? Donc, si on te voit fréquenter les gens pieux et droits, les gens vont te considérer comme parmi des leurs. Si les gens vont te considérer des gens de la bid'ah, on va te considérer comme parmi des leurs. Les salafs, ils marchaient comme ça. Et si on te voit fréquenter les gens des perversions, du fisc et des ma'asis, tu seras considéré comme parmi des leurs. Car si tu es quelqu'un de droit, tu n'as pas les péchés, tu ne pourras pas rester avec ces gens-là. tu ne supporteras pas dans ces questions-là. Il y a un tafsil, comme ça y a-t-il, Inch'Allah, dans les questions qui ont été posées, il y a un tafsil qui va venir. Quand peux-tu rester question des perversions ou pas, avec des conditions et des objectifs. D'accord ? Mais la base, c'est que tu ne marches pas avec eux. Comme Allah Ta'ala, « La takounu kallazina sallah, fa ansaw anfusahum » Voyez, oh vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Voyez, ils se sont oubliés eux-mêmes. Donc nous disions que cette chose, ces deux points cruciaux qui sont l'alliance des aveux, sont des points très importants, extrêmement négligés en ce jour. Et j'aurais aimé, comme je te l'avais dit, en parler, principalement pour ceux qui vivent au milieu des ennemis de l'islam. Car en vivant au milieu d'un peuple, tu seras plus amené à leur ressembler. Et être influencé par eux, dans leur mode de vie, dans leurs mœurs, dans leurs coutumes, et le plus dangereux, dans leurs croyances. D'où le fait que la hijra a été légiférée, pour que le musulman se préserve dans sa religion. D'accord ? Et ça, le shir également, Hafizallahu Ta'ala va en parler dans son livre. Et nous savons que la France, c'est l'un des pays les plus acharnés à combattre l'islam. Avant, ça se faisait secrètement. Et plus ça va, comme on dit, plus ils prennent la confiance, et plus ça devient apparent. Ils ne se cachent même plus. Tu vois, ils ne se cachent même plus. Walal asaf nara min ikhwanina man ya'ish huna wa kannahu al-amr ma ya'ni. Parmi nos frères qui vivent là-bas, et on dirait qu'ils ne se sentent pas concernés par la chose. Et parmi eux, certains le savent, mais ont une faiblesse, ou n'ont pas la capacité, et parmi eux, certains qui se sentent pas concernés. Wa'ad akhtar shay. Ça, c'est le plus dangereux. Que tu penses que cela ne te concerne pas, que tu sens à l'abri. Hein? Yashur kannahu yaman min makrillah. Waman yaman min makrillah, il est comme le khasirun. Voyez? Et qui donc se sent à l'abri du coupeau d'Allah, si ce n'est un peuple de perdants. Walesusawa fi hada. Yachonuna lesusawa fi hada. Ils sont pas tous pareils. On ne dit pas que tous ceux dont on parle sont comme ça. Mais même celui qui là-bas, qui veut partir, et qui a les moyens de partir, et qui ne part pas ou qui tarde, narcha alayhi. Vous voyez, narcha alayhi. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith al-muttafaqun alayhi, à Aïcha, celui-là, yazoujeishun al-ka'ba bi baydain al-ard. Faizekanum baydain al-ard, yursafu bi awalihim ila akhilihim. Donc, Aïcha, kaifa yursafu bi awalihim wa akhilihim. وفيهم من ليس منهم واسواكهم فقال يخصف باول مؤخلهم فيبعثون لنيتهم qu'il dit qu'il y aura une troupe qui va venir pour conquérir la Kaaba, et lorsqu'ils seront à cet endroit de la terre, ils vont se faire engloutir tous. Aïcha radhiyallahu anha fut étonnée, dit comment vont-ils se faire engloutir alors que parmi eux des gens ils ne font pas partie de l'heure, il y a des gens qui sont juste là pour profiter, qui viennent faire du commerce, ce genre de choses. Il a dit, ils seront tous engloutis, du premier au dernier, puis seront, ressuscités selon leur niya. Mais le châtiment va les englober, tous les englober. Ils sont tous pris par le même châtiment. Voilà, tous par le même châtiment. Donc, à savoir que le châtiment, lorsqu'il englobe un peuple, il risque d'englober ceux qui sont avec eux, à leur milieu. D'accord ? Englober ceux qui sont en leur milieu. Donc de là, c'est alors ce désaveu, comme le chien m'a cité, le fait de vivre, fi awsat haoula, min mazaharat al-mawala lahu. Le fait de vivre en leur milieu, c'est un signe qui démontre que tu as une alliance envers eux. Car tu n'arrives pas à te détacher d'eux. Comment ? Tu ne peux te détacher des gens que tu es censé détester. Normalement, tu prends une personne normalement constitué, tu la mets au milieu de ses ennemis qu'elle ne peut aimer, il ne supportera pas de rester avec eux. Tu prends un raciste, tu le mets au milieu de gens qui ne sont pas de sa race, il ne supportera pas. Va prendre un raciste blanc mais lui en Afrique, et même s'il tient en Afrique, il sera dans un coin où il n'y aura pas des gens noirs comme lui. Mais s'il y a des gens noirs, ce sont des gens qui seront sous son joug, qui lui obéiront, il ne sera pas sous leur autorité, sûrement pas, il ne pourra pas s'y porter. Et s'il reste vraiment un cas extrême où, je sais pas, c'est un ambassadeur, quelqu'un a beaucoup d'argent, il a une consolation, il gagne de l'argent. Tu vois, ça le console un petit peu de rester là-bas, d'y aller. Cela, il m'énerve, mais bon, je prends mon, comme on dit, mon billet, après je m'en vais. Bah, mais il ne peut pas les voir, il peut pas les voir. Et ça se voit sur lui, il ne peut pas les voir. Tu vois, il va mal leur parler, il sera hautain avec eux. Mais à la base, il ne pourra pas rester là-bas. Il ne se portera pas. À la moindre occasion, il partira. Dès qu'on va dire t'es muté ailleurs, oui, hop, il partira. Ou quelqu'un, le contraire. Tu prends un raciste parmi les gens d'Afrique ou d'ailleurs, tu le mets en Europe chez les Blancs, il ne se portera pas. Ou alors c'est dans un quartier déjà comme lui. Et il viendra pareil, comme certains y font, pour un profit mondain. Il dit, je fais mon temps, après je m'en vais. Comme t'en as plein, il faut comme ça dans les foyers en France. La famille, son bled, il ramasse de l'argent, il l'envoie au bled. Tu vois. Il ne veut pas rester là à la base. Tu vois, même quand ça, il s'habille, il s'habille pas comme moi en général, il laisse propre à ses coutumes et il envoie tout. Donc que dire d'un musulman comme les Adilé des cités, qui aiment pour Allah, qui détestent pour Allah. Peut-il vivre avec des gens que Allah a damné et maudit et qu'il déteste? Que son messager sallallahu alayhi wa sallam a combattu et a mis en garde contre eux. Et a bien dit, c'est innocenté de ceux qui vivent en leur milieu. Il s'est innocenté. Tarif ma'anahada que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est innocent de toi. Celui que tu dis aimer, suivre, obéir, que tu, pour qui tu as un profond respect, le plus grand amour, s'il me semble de toi, du fait que tu restes là-bas. Cela ne fait rien dans ton cœur. Donc de là, ce wala al-bara sont liés à cette mas'ala. Et c'est plus large, comme on l'a dit. Ce n'est pas seulement l'islam en soi, voyez, mais c'est également, également la sunna, l'istiqama. D'accord ? Des degrés, des échelons. Tayyib. Famin Huna, de là, on va lire ce livre, qui est assez court, mais qui contient beaucoup de fawaïd. Et le peu qu'il contient suffit. Mimbab et Tambih, wa tafkir, il rafil, aliman qad nasiya. Il n'y a pas besoin de faire un grand tafsir sur ce livre. Les masalas sont wadiha. C'est que le chien va exposer son wadiha. D'accord ? Qui sont, qu'est-ce que l'alliance et le désaveu, les signes qui démontrent l'alliance et le désaveu, et qui on doit aimer, qui on ne doit pas aimer. Al-Abeb, Al-Usub Al-Wajiz. Wabad Hada, Bad Asileh. Et les questions sont plus nombreuses que le contenu du livre. Wallazi Azhar, Annaha Kalef Muhadara, Summa Fulirat. Tu vois, je pense que c'était une Muhadara qui a ensuite été retranscrite par écrit. Quand même. Taqal. الولاء والبراء اولا معنى الولاء والبراء le sens لغتن littéralement parlant الولاء ومصدر الفعل وليا طيب بمعنى قرب من s'approcher de quelque chose طيب هذه فائده خارجه عن الكتاب elle est pas dans le livre ف والمراد منه في الاصطلاح في باب الايمان هو القرب من المسلمين بموادتهم وإعانتهم ومناصرهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكناء معهم على الكلباز شال عن من حيث الإيمان بعبارة على فوة طيب الولاء c'est le fait de se rapprocher s'allier aux musulmans en les aimant en les soutenant en les aidant en les secourant sur leurs ennemis et le fait de vivre avec eux d'accord et le fait de vivre avec eux wa al bara'u لغتان ومصدر من براء الفعل براء الباء راء والالف ممدوده بمعنى وعليكم السلام بمعنى قطع qui veut dire couper, tailler, trancher. Kamaqila, bouriel kalem. Que le stylo, on va dire, le crayon a été taillé. Ou astilahan min haythu al-iman, par rapport à la foi, c'est ay qata as-silah ma'a al-kuffar. فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا للضرورة. Donc c'est le fait là de couper tout lien avec les kuffars qui ne les aiment pas, qui ne les secourent pas et qui ne résident pas dans leur terre hormis pour une cause, une contrainte, une daroura, besoin vital ou ce genre de choses. Les chouroutes vont être établies, inshallah, savoir qui peut rester là-bas et qui ne peut pas. Ba'an al-asl, adam al-baqa ahunak. Tayyib. Baqal, hafizallahu ta'ala. المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد هذا ما نترجمه أنا ما أعطيش مقدمات كما سامة قال فإنه بعد محبة الله ورسوله تجب محبة أولياء الله ومعادة أعدائه وكذي أبقي الأمور pour Allah et son messager, il est obligatoire d'aimer ses alliés, ses rapprochés, hein, et de détester ses ennemis. معناه أنك تحب الله ورسوله أصلا ما يكفي ويلزم من ذلك أن تحب من أحب الله وأن تبعد من أبعده الله. Cela implique que tu aimes ce que Allah il a aimé et son messager صلى الله عليه وسلم et que tu détestes ceux qu'il déteste. Cela va de soi et va ensemble. فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها. Donc parmi les fondements, d'accord, de la croyance islamique, son dogme, qu'il incombe à chaque muslim qui se tient sur cette croyance, et là pour credo, qu'il s'allie à ces gens, c'est-à-dire les gens de l'islam, de cette croyance, et qu'il déteste ses ennemis. فَيَجِبُ فَيُحِبُ أَفْوَنْ فَيُحِبُ أَلِ التَّوْحِيدُ وَلِيْخْلَاسِ وَيُوَالِيهِمْ وَيُبْعِدُ أَلِ الْإِشْرَاكِ وَيُعَادِيهِمْ. Donc cela veut dire qu'il s'allie aux gens du tawhid et de l'ikhlas, la sincérité, et qu'il déteste les gens du shirk, de l'association, et qu'il les prend en ennemi. وذلك من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه الذين أمرنا بالاقتداء بهم حيث يقول سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Et cela fait partie de la religion d'Ibrahim et de ceux qui étaient avec lui. Ceux qui, ils ont été ordonnés de les suivre, de suivre leurs traces, on va dire. Dans le sens où Allah, dans le sens, il dit, vous avez certes un bon exemple dans Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous mécroyons en cela, du moins en vous. Et l'animosité et la haine ont commencé entre nous et vous. Jusqu'à ce que vous adoriez Allah seul. D'accord ? Jusqu'à ce que vous adoriez Allah seul. Wa qal, hafizallahu ta'ala, wa huwa min din Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يوليهم ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et cela fait partie de la, également de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah dans le sens il dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns aux autres. Et celui qui s'allie à eux parmi vous fait partie d'eux. Et Allah ne guide pas un peuple d'injustes. وهذه في تحريم موالاة أهل الكتاب خصوصا. وقال في تحريم موالاة الكفار عموما: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Donc le verset précédent concernait le fait les gens du livre en particulier. Et dans un autre verset, il parle de l'alliance avec les koufars de façon générale, où il dit dans le sens: ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi ainsi que le vôtre comme alliés. Car là, on différencie les gens du livre parmi les autres, car ils sont des koufars, des mouchtikoun. Et pourquoi ont-ils été différenciés, séparés du fait qu'ils ont reçu un livre? À la base, la base de leur religion est véridique. Vous voyez, la base de leur religion est véridique. Ils ont un asl. Cependant, ils en ont dévié. Et ils ont enterré leur kutub. Et si c'était basé avec sincérité sur leur livre, ils seraient aujourd'hui parmi les gens de l'islam. Car l'islam n'est que l'acheminement de leur religion, la suite et la fin. D'accord? Et c'est venu comme étant un point de distinction pour les gens de la sincérité. Tu te dis chrétien ou juif, tu as un livre, tu es sincère, tu dois suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال حفظه الله تعالى: بل لقد حرم على المؤمنين موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليه نصبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولاهم منكم فأولئك هم الظالمون. Donc Allah a rendu même illicite aux croyants l'alliance envers les kuffars, même s'il s'agirait des plus proches parents dans la descendance. Dans le sens où il dit: ô vous qui croyez, ne prenez pas vos pères ainsi que vos frères comme alliés s'ils préfèrent la mécréance sur la foi. Et celui qui s'allie à eux parmi vous, alors ceux-là sont les injustes. Ceux-là sont les injustes. L'alliance envers les koufars, même s'il s'agirait des proches parents, cela est une injustice. Et l'injustice peut-être du kouf. Un zone الذنب الأكبر يكون كفرا. تمام. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. Dans le sens où il dit: tu ne trouveras pas un peuple parmi ceux qui croient en Allah au jour dernier, hein, aimé ceux qui s'opposent à Allah et son messager, hein, quand bien même serait leur père, ou leur fils, ou leur frère, ou même leur tribu, leur famille. D'accord? Donc ce verset parmi les versets les plus clairs qui appellent justement cette alliance, ce désaveu envers les kuffars. وَقَدْ جَاهَلَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ هَذَا الْأَصْلَ الْعَظِيمِ حَتَّى لَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ الْمُنْتَصِبِينَ إِلَى الْعِلْمِ وَالدَّعْوَةِ فِي إِذَاعَةِ الْعَرَبِيَّةِ يَقُولُ عن النصارى إنهم إخواننا ويا لها من كلمات خطيرة. Donc il dit que beaucoup de gens ont ignoré parmi les gens de l'islam ce fondement, ce grand fondement, à tel point que j'ai même entendu parmi ceux qui sont apparentés à la science et la prédication dans une radio arabe un qui dit à propos des chrétiens qui sont nos frères, hein, qui dit qu'ils sont nos frères. Il dit: quelle parole dangereuse. Wala alawi ani bidalika al-Qardawi. Car al-Qardawi est connu pour cette da'wa d'appeler à la al-Musawa bina al-Adjian wa wahdat al-Adjian, qu'il appelle à l'union des religions, même avec les juifs et les chrétiens. Ces égarements sont connus. Le plan de redoute ont été faits sur lui pour ne pas s'étaler encore par rapport à lui. Et qu'il était notre chien l'a rendu mécréant. منافق من النفاق الأكبر. طيب قال الشيخ يحيى: أنا منافق نفاق أكبر. Et qu'il n'y a pas eu une situation où il y a eu une chose qui opposait les musulmans aux koufars, sans qu'il n'ait été un soutien pour les koufars dans ce qu'il décrétait contre les musulmans. Que ce soit apparent ou caché. Et tout ce qu'il prenait comme position était dans l'intérêt des koufars. Les avis qu'il prenait et tout allaient dans le sens voulu des koufars. ثم قال حفظه الله تعالى كما أن الله سبحانه وتعالى حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة عفوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Il dit, tout comme Allah a rendu interdit l'alliance envers les koufars et les ennemis de la aqida islamia, il a également contrepartie rendu obligatoire l'alliance envers les croyants et l'amour envers eux. Il dit dans le sens que seuls votre allié sont Allah, son messager, et ceux qui ont cru, et ceux qui accomplissent la salat, et qui s'acquittent de la zakat, et qui s'inclinent. D'accord, qui s'inclinent. Et celui qui s'allie à Allah et à son messager, et ceux qui ont cru, donc certes, le parti d'Allah, ce sont eux qui seront les vainqueurs. Il est connu que, en islam, ordonner une chose implique, cela implique son contraire. Cela interdit son contraire. Si jamais je suis en train de te lever, cela implique l'interdiction que tu t'assoies. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, comme le shir le dit, nous oblige, ou plutôt nous interdit d'aimer les koufars, cela implique qu'on doit aimer les mu'minines. Et ces versets également sont des preuves que les actes font partie de la foi. Wallazina amanu, allazina yuqimuna as-salah, yu'tuna az-zakata, wa hum raki'un. Il décrit les croyants comme étant ceux qui font la salat, qui s'applique de la zakat et qui s'incline. Tamam ? Qui s'incline. Wa qala ta'ala, Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u al-kufar wa hama'u baynahum. Que Muhammad est le message d'Allah. Et que ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux envers eux. C'est-à-dire envers eux-mêmes, envers les croyants. Wa qala ta'ala, innama al-mu'minuna ikhwa. Que seuls les croyants sont frères. Ay al-ukhuwa al-imaniyya. La fraternité dans la foi. فقال فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc il dit que les croyants sont frères en religion et en croyance, en dogme, même si leur descendance diffère, ainsi que leur contrée, leur pays, et ainsi que leur époque. D'accord ? Alors dans le sens où il dit, ceux qui sont venus d'après eux, c'est-à-dire d'après les premiers croyants, et qu'ils disent, ô notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas de haine dans nos cœurs pour ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes pardonneur et miséricordieux. Et ça, c'est parmi les doas qui mènent également à raffermir la fraternité et aimer les salafs. Oui, à aimer les salafs. فالمؤمنون من أول الخليفة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم إخوة متحاب. يقتدي آخرهم بأولهم ويدعون بعضهم لبعض ويستغفروا بعضهم لبعض وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. Donc il dit, et les croyants, il s'agit du premier califat, c'est-à-dire les sahaba, jusqu'à sa fin, bien quelles que soient les distances trouvées entre leur pays ou les distances établies dans le temps entre leur époque, d'accord, sont des frères qui s'aiment. L'amour est présent entre eux. qu'il soit présent maintenant ou d'avant de tel ou tel pays, de telle ou telle race, ainsi de suite, la foi les rend frères. Ils sont tous frères. Et le contraire implique que les koufars, même si ton proche parent, de ta race, de ton époque, de ton pays ou autre, tu dois le détester pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme cela viendra dans le kitab, le détester n'implique pas être injuste avec lui. Vous voyez, le léser et ne pas respecter ses droits. Car même les koufars ont des droits établis par la religion. Il faut les connaître pour ne pas les outrepasser. Quand même, cela viendra, Inch'Allah. Donc il dit que les premiers suivent les traces, plutôt les derniers suivent les traces des premiers. Bitiba et Salaf, pour prendre la religion avec la compréhension, l'appliquer comme ils l'ont appliqué selon nos capacités, et ainsi de suite. Et qu'on invoque, ils invoquent les uns pour les autres. Qu'ils demandent le pardon les uns pour les autres. Et il dit l'alliance et le désaveu ont des signes distincts qui les démontrent. Des choses qui démontrent l'alliance et des choses qui démontrent le désaveu, et cela viendra par la suite, Inch'Allah ta'ala, fait le kitab. تمام فبهذا القدر نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاق.com